Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec l'allonge des ondes. Et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un deux heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chitika, WFM 98 Halifax, CIFA B Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, de la région de Barrie en Ontario. Envoie le 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Un beau salut à tous les auditeurs de tous ces coins de pays-là. Et bien sûr, commentaires, suggestions, même contact d'artistes francophones, vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Voilà. Je suis à écouter les albums que j'avais commentés au mois d'août et puis je suis en train d'écouter l'album de La rivière à la mer de Geneviève et Alain. Et il y a une pièce que j'aime bien sur cet album-là, ça s'appelle tout simplement la pièce « Sans que, trois petits points ». Très intéressant. La semaine passée, c'était une pièce où ce qu'on entendait juste Geneviève. Aujourd'hui, c'est une pièce qu'on entend juste Alain. Vraiment très intéressant comme pièce. On va entendre aussi « Red Flag » de Marie-Claude qui va très bien. Maintenant, numéro 7 sur le palmarès « Influence franco ». Donc, bravo à Marie-Claude. On va entendre Red Flag. Et on va entendre aussi D-Track avec Limonade, lui qui a un nouvel album que je devrais recevoir très, très bientôt. Et on va terminer ça avec Kimia qui va nous faire Couleur. Debout, café, déjeuner, et c'est un départ. Voiture, trafic, boulot, dîner, boulot, trafic, qui chez moi. Encore un autre jour passé trop vite sans que je le voie. Encore un autre jour passé trop vite sans que je le voie. Déjà retour travail, mardi, mercredi, ça va. Presque fini, jeudi, fatigue, vendredi, congé, voilà. Encore une autre semaine passée trop vite sans que je le voie. Encore une autre semaine passée trop vite sans que je le voie. Flocons, Noël, nouvelle année et puis le printemps. Soleil, été, les fleurs, les feuilles qui tombent, l'automne et le vin. Encore une autre année passée trop vite sans que je le voie. Encore une autre année passée trop vite sans que je le voie. École, ado, auto, diplôme et amour. Maison, famille, métier, routine, retraite et trop de détours. C'est ma vie qui défilera trop vite sans que je le voie. C'est ma vie qui défilera trop vite sans que je le voie. C'est ma vie qui défilera trop vite sans que je le voie. Tomber dans une marée assoiffée, là où nage les mal-aimés. Je te cherche avec le regard vitré. Me vois-tu? Je pense trop, tu ne penses pas, tu misères. milieu des herbes folles, au bon milieu des herbes folles. Depuis qu'on se comprend à moitié, ma solitude a doublé. Tu ne veux rien savoir du mien. On se griffe le cou à devenir fou. On ne sait plus s'apprivoiser. J'ai si peur de nous dans la gueule du loup. On vacille entre les crèves-cœurs, les coups de cœur, on s'isole. Je divague au red flag, au red flag. Attention au red flag, au red flag. Je divague au red flag, au red flag. Cypher à moins 30 ou à 20 degrés Celsius. Citron plus glace, c'est bon, ça m'hydrate. Session d'écriture, entraînement comme les calligraphes. So fresh et so clean à la Outcast. L'été, tu peux me trouver posé sur un banc de parc. Chaleur extrême, grosse canicule. Aujourd'hui, dame nature est pas comme d'habitude. J'ai mes lunettes de soleil, mes sandales et mon backpack. Je vois les rayons qui frappent sur la brique et l'asphalte. Joueur de tam-tam, ou joueur de bongo. On porte les couleurs comme les sapeurs du Congo. Rhum blanc, rhum brun. Dans mon mix, I don't know. On est hors de contrôle. On mélange, on compose. Yeah, j'mets du rose dans ma limonade. J'mets du jaune dans ma limonade. J'mets du jazz. J'mets du soul. J'mets du funk dans ma limonade. J'voudrais qu'on ajoute un petit peu de glace dans ma limonade. L'été, j'investis un petit peu de cash dans ma limonade. Dans ma limonade. Limonade. Dans ma limonade. Limonade. Dans ma limonade. Limonade. Limonade. Limonade. Chef qui sent soupe doupe fresh, ça fait des gros quand la soupe est prête. Bien relax comme un touriste au Days Inn ou comme un Rastafari qui vient des îles. Même les Américains nous trouvent amazing avec nos flots paisibles qui se transforment en grésil. du Brésil à l'Estrie. Si j'ai pas mon thé glacé, j'suis en esti. On fait de la bonne limonade depuis des lurettes. Si ces rapports sont lourds, on amène la diète. Débarquement direct, comme à Dieppe. Si les gens disent non, avec nous ils disent yes. Yes, rajoute un petit peu de sucre. J'ai mis genre 2 kilos, yo, que c'est que tu veux de plus? L'année prochaine, on exporte jusque dans les grosses villes. Puis rappelle-toi que le monde aime pas quand leur verre est trop vide. Yeah, j'mets du rose dans ma limonade. J'mets du jaune dans ma limonade. J'mets du jazz. J'mets du soul. J'mets du funk dans ma limonade. J'voudrais qu'on ajoute un petit peu de glace dans ma limonade. L'été, j'investis un petit peu de cash dans ma limonade. Yeah, dans ma limonade. Limonade. Dans ma limonade. Dans ma limonade. Limonade. Limonade. Dans ma limonade. Dans ma limonade. Et la couleur du mal qui dit que le noir est la couleur du mal qui dit que le noir est la couleur du mal qui dit que le noir est la couleur du mal. Ils disent que le noir est la couleur du mal, trop de préjugés à mon égard. Pourtant le noir c'est la couleur des anges. Je préfère vivre loin de ces commentaires. Changer d'air, me barrer à Kin et suivre les traces de mes pères. Je suis en père et mon peurat vous fait peur. Les médias diront que je suis misanthrope, pourtant mon rap est philanthrope. Je philanthrope, mon crew sur un piédestal. Les jaloux veulent ma chute au bord du gouffre, moi je reste calme. J'ai des idées macabres, des pensées noires. Plus rien m'accable, je pâte un cap depuis que le love est rare. Le temps s'écoule, le sang coule, des familles en souffrent. Faut qu'on serre les coudes, coûte que coûte, moi je garde espoir. Et tard le soir, je rêve d'États-Unis, d'Africa. Nègre et fier de l'être, hommage aux vrais militants de la diaspora. Et tard le soir, je rêve d'États-Unis, d'Africa. Nègre et fier de l'être, hommage aux vrais militants de la diaspora. Qui dit que le noir est la couleur du mal? Qui dit que le noir est la couleur du mal? Qui dit que le noir est la couleur du mal? Qui dit que le noir est la couleur du mal? Qui dit que le noir est la couleur du mal? Qui dit que le noir est la couleur du mal? Qui dit que le noir est la couleur du mal? Trop préjugé à mon égard, pourtant le noir c'est la couleur des anges. De l'artiste franco-ontarien Kimya, K-I-M-Y-A. Allez découvrir ça sur Facebook ou sur l'Internet. Un jeune qui fait de l'excellente musique hip-hop, est vraiment bien faite. Je pense qu'il y a un nouvel album qui s'en vient à part de ça. On va mettre un homme là-dessus à savoir si on peut le recevoir. Et j'ai bien hâte d'entendre son nouveau matériel. Vraiment très intéressant. Ce qui est intéressant, on est rendu à notre bloc instrumental comme ça et il y a un nouveau groupe en Acadie qui s'est formé qui s'appelle les Firefly et c'est 3 jeunes violonistes, bon, différents âges, mais quand même 3 jeunes violonistes féminins, 3 femmes remarquables, très sympathiques et puis les Firefly, c'est tout simplement Louise Vautour, Christine Melançon et aussi Samantha Robichaud, qu'on connaît peut-être un peu moins sur le côté francophone, mais qui fait de la musique folklorique, celtique, chanson et instrumentale. Donc, assez intéressant, merci. Donc, vu que j'ai pas l'album comme tel qui vient d'être lancé là, tout récemment, je devrais recevoir ça très, très bientôt sûrement. Eh bien, j'ai pensé peut-être vous faire entendre une chanson ou une pièce instrumentale de chaque artiste. Donc, on va commencer avec Christine Melançon, « All Dressed Up for the Boat », pièce instrumentale enregistrée en public. Et vous allez voir, c'est fort intéressant. De l'album de Louise Vautour, j'ai décidé de vous faire entendre « Mémoire d'Irlande ». Là aussi, fort intéressant. Ça date quand même. Christine Melançon, c'est peut-être un an ou deux. Mais Louise Vautour, ça fait quand même une secousse qu'elle n'a pas sorti d'album. Donc, j'ai bien hâte d'entendre son nouveau matériel. Là, on va entendre « Mémoire d'Irlande ». Et de Samantha Robichaud, tirée de l'album « New Stage », on va entendre « Heidi Kim, Wheelhouse, Widening Road ». Toute une pièce vraiment très intéressante. Donc, laissez-vous charmer par des dames qui savent jouer le violon, mais pas à peu près. Voici, pour commencer, Christine Melançon. Un, deux.